bonhomme. Bon appétit, tu multiplies les calories et puis les plis. Tous ces efforts sans réconfort, rien que les pommes, c'est pas ton fort. Régime, régime et puis la gym, que t'as des primes, tant pis pour la prime. Petit à petit. Tu prends une claque, une taille au-dessus, ça c'est bien vu. 0% c'est rassurant, légumes et fruits, paraît que ça suffit. Sur ta balance, t'as jamais de chance. Bien sûr t'as oui, là tu souris. À la piscine, retour au spleen. Dans ton jogging, tu retrouves ta ligne. Petit à petit. Lipides lucides, fais pas cette mine.